Donc voilà, bonsoir. Alors donc, nous nous trouvons sur l'émission Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les vendredis soirs, de 21h à 22h30. Notre adresse est toujours le 365A, chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Voilà, donc ce soir, nous avons des invités. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc ce sont des invités qui sont dans l'organisation d'une marche qui a lieu demain. Samedi. Samedi, à partir de 14h. À partir de 14h, on se rencontre à partir de 14h et la marche commence une heure plus tard. Une heure plus tard. Oui, donc on arrive à 14h et puis une heure plus tard. C'est un rassemblement d'abord, il faut bien parler devant le micro. Hein. C'est un rassemblement d'abord à 14h et puis on démarre à 15h. D'accord. Et donc c'est une marche pour C'est une marche. Nous sommes membres de l'Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo. Oui. Nous avons initié cette marche pour dénoncer la situation négative qui se passe dans la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous invitons tout citoyen de bonne volonté qui veut donner cette situation de venir nous soutenir. Ok. Et toi, tu t'appelles ? Moi, je me nomme Ferdinand Mokambila. Je suis représentant territorial de la PARECO Belgique-Luxembourg. Ok. Je suis accompagné de Madame Nganda Florence, qui est secrétaire urbain de Bruxelles, avec notre chargée de mobilisation, Mama Ninette. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. Et nous avons notre amie Abel, qui est là aussi, pour nous soutenir dans cette émission, qui fait partie de l'émission Africa Jama. Et donc voilà. Donc on va d'abord peut-être passer un petit morceau de musique, et on va parler après de notre marche. Adam Bengani, Jam Jamoul. Écoutez ça. Eh bien, c'est la musique à papa. Mo balinga na linga na motema. Aki minga libala, tena nene, chérie, chérie, chérie, yeah, yeah. Alo bakinanga, toko balana, te toko kende na poto, kamaleli sa mawa, mawa nanga. Mobalo yo mabe, na suki se wana, na balateo, na kufase mon zemba, ma wana nga moko e. Kijerareo. Ngayo, ngayo, ngayo mawa, mayemba, mayemba, soka baba na yena koto. Souvenir ya mabe, nalela senga moko e. Rogers, Mayemba, Mystica. Bazwani na ba mato ba emisa kanga. Mobalo yo mabe, na suki se wana, na balateo, na kufase mozemba, mawana na moko e. La photo la même mobile. Franco Ferret, et il y avait Papa Wemba. Alors c'est un petit hommage à Papa Wemba, qui était un grand musicien et tout, et voilà. Et c'est quand même assez vieux comme compact, mais voilà. Donc c'est pour dénoncer ce qui se passe au Congo, mais qu'est-ce qui se passe au Congo ? Effectivement, si vous avez suivi les informations il y a quelques jours, je prends l'information la plus récente, ce qui se passe au Kasaï. Il y a des massacres énormes. Est-ce que vous pourriez dire pour les éditeurs où se trouve le Kasaï ? Le Kasaï, ça se trouve dans la République démocratique du Congo, à l'ouest, au centre du Congo. C'est une région où la communauté Lubafone se trouve. C'est ça. Donc il y a eu beaucoup de massacres là-bas au Congo. C'est pour dénoncer cette situation que nous avons organisé cette manifestation. Et les massacres, pourquoi il y a des massacres là-bas? Effectivement, comme vous savez, depuis un certain temps, la République démocratique du Congo est occupée par des armées étrangères. Et comme nous n'avons plus de souveraineté, l'armée qui est sur place, c'est cette armée-là qui est en train de faire cette massacre-là, avec le gouvernement de M. Kabila. C'est ça. Oui, mais pourquoi le Congo est occupé par des armées étrangères? Vous savez qu'actuellement au Congo, c'est un pays qui est rempli de matières premières. Oui. Il y a la communauté internationale donc, qui s'occupe de ça. Et ils sont aidés par les armées étrangères, dont l'armée rwandaise, l'armée burundaise, l'armée ougandaise, voire même l'armée sud-africaine. Donc c'est pour ça, bon, un pays qui est occupé, un pays sa souveraineté, les autres peuvent piller. Pour bien piller ces pays, ils doivent tuer tous les gens qui les empêchent de continuer à piller la République. Et donc on pille, mais qu'est-ce que fait le gouvernement à ce niveau-là? Actuellement, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu le gouvernement congolais dénoncer cette situation. Comme le gouvernement congolais n'arrive pas à dénoncer cette situation, nous-mêmes, Congolais installés à l'étranger, avons dit, bon, pour soutenir les peuples qui souffrent, qui se sentent qu'au moins il y a quelques organisations qui sont derrière eux pour défendre leur terre, défendre leurs enfants, défendre leur mère. C'est pour ça que nous avons organisé ça. C'est ça quoi. Donc il y a la communauté internationale qui ne manifeste pas. Je prends l'exemple, les deux membres de l'ONU qui sont tués au Congo. On n'attend même pas les radios internationales, même dans les informations, parler de ça. C'est pour ça, bon, nous on dit, bon, levons-nous pour parler des massacres. C'est nous-mêmes Congolais qui devons dénoncer ce qui se passe là-bas. Si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fera pour nous. C'est pour cette raison que nous avons organisé cette marche. Comme il y a la communauté européenne ici, on va passer là-bas, on va déposer un moment, on va les expliquer. C'est ça. Et la communauté européenne peut faire quoi par rapport à ça? La communauté européenne fait semblant de ne pas savoir ce qui s'est fait au Congo, mais ils le savent. Donc, en mettant la pression sur la communauté européenne, donc nous sommes ici en Belgique, il peut faire quelque chose en demandant ou en arrêtant toute cette situation. Ça, regardez ce qui se passe en Syrie. On intervient, mais quand on tue des Congolais, il n'y a personne qui intervient. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Deux poids, deux mesures. C'est ça, quoi. Et tu as des questions? Non, mais je voulais plutôt ajouter l'une ou l'autre chose par rapport à ce que monsieur vient de dire. Moi, je pense que le problème du Congo, actuellement, comme hier, c'est d'abord, vous savez, c'est un problème d'un État qui a failli. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Si ceux qui étaient au pouvoir avant, je parle du pouvoir du président comme Mobutu, qui a été un président qui a, par un moment, qui a bien conduit les affaires de l'État, et voilà. Après, il a failli complètement à ses missions. S'il a été sérieux avec son gouvernement de l'époque, ou ses gouvernements de l'époque, des gens comme des Kabila et consorts ne seraient jamais arrivés à la tête de cet État-là. Ça, il faut le reconnaître. Donc, tout ça est arrivé parce que, quelque part, il y avait une faiblesse flagrante de la nation et une désapprobation du peuple de manière assez générale. La preuve, c'est que quand les Kabila sont arrivés au pouvoir, quand ils ont commencé leur guerre contre le Zaïre de l'époque, ben, une partie de la population le considérait comme étant des sauveurs qui les aideraient à se débarrasser d'une dictature qui était la dictature de Mobutu. Les types ont mis vraiment Mobutu et ses différents gouvernements ont mis les pays à genoux au point que les pays étaient devenus fragiles, pouvaient être attaqués par tout le monde. Et puis, effectivement, il y a ces problèmes de richesse, mais ce n'est pas nouveau. Le problème de la richesse du Congo, qui d'ailleurs n'est pas le seul pays au monde qui soit aussi riche que ça, qui profite, en fait, tous ceux qui, je les appelle aujourd'hui des rapaces, profitent de la faiblesse de cet État-là pour pouvoir, comme M. l'a dit, tirer profit de toutes les richesses du Congo. Un Congo fort voudrait dire que ces gens-là ne vont plus s'abreuver, ne vont plus se nourrir de tout ce qu'ils sont en train de piller aujourd'hui. Un pays faible, un Congo faible, ne peut que le servir dans leur soif, dans leur volonté de toujours piller davantage. Et ça, c'est une réalité. Et je voulais ajouter autre chose par rapport à la situation de ce qui se passe au Kassa, comme M. l'a dit. Il faut considérer que c'est une désapprobation, un déni, un rejet du pouvoir en place d'une partie de la population. Et c'est une population qui ne reconnaît plus l'autorité en place, qui se rebelle contre l'autorité en place, qui veut affirmer son rejet de l'autorité en place. Et évidemment, en face, la répression est sans limite, est démesurée. Et on sait très bien que le gouvernement ou le pouvoir de Kabila ou de Mobutu aussi avant, à moindre échelle, mais à plus grande échelle avec les gouvernements de Kabila qui se sont succédés, et massacrer, tuer la population impunément est devenu quasi comme un hobby. Ils le font, on parlait de Bounoudia Congo, on a même lorsqu'ils faisaient leur marche en 96 vers Kinshasa, c'est des millions, de milliers de personnes qui ont été massacrées. Donc pour eux, en fait, pour légitimer ou bien pour confirmer leur autorité, parce qu'ils n'en ont pas réellement face à la population, ben, ils n'ont que la violence pour s'exprimer. En fait, ils règnent par la peur. Ils imposent la peur à la population et pour eux, voilà, il faut... faire taire cette population parce qu'ils n'ont pas d'arguments politiques. Ici, je veux simplement dire, ils ne font pas leur travail de politique. Ils n'assument pas les rôles qui sont les leurs en tant qu'homme politique, en tant que leader, en tant qu'autorité d'une nation. Ben, et voilà, la seule solution pour dominer le peuple, pour réprimer le peuple, c'est la violence démesurée et sans limite. Voilà ce qui se passe au Congo. C'est le rejet du pouvoir par la population. Actuellement, c'est cette population du Kasaï qui est un peu au niveau de la scène. Voilà. Mais il y a actuellement un problème électoral important au Congo. Il y a un fond. Le Kabila qui devait partir, il n'est pas parti. Non, notre mouvement n'est pas dans cette logique des élections. Pourquoi nous ne sommes pas dans la logique d'élection ? Un pays qui est occupé, un pays sa souveraineté, on ne peut pas organiser des élections. Donc, déjà en 2006, les élections ont été organisées, mais il y a eu des fraudes. En 2011, la même chose. Croyez-vous qu'en 2017, il y aura de bonnes élections? Non, on ne croit pas. Pourquoi? Déjà, au niveau du fichier électoral, au moment où les autres se disputent des arrangements particuliers, des postes, tout bazar, le gouvernement est en train de tricher. Il y a eu le fichier électoral de 2006. Où est-ce qu'il est parti? Le fichier électoral de 2011, où est-ce qu'il est parti? À chaque élection, on doit faire les recensements? Non. Donc nous, notre logique, nous ne sommes pas dans la logique des élections. Nous ne sommes pas dans la logique des dialogues. Nous, on prône carrément les départs pires et simples de ces gouvernements-là. Par les soulèvements populaires. C'est ça qui peut faire fuir ces gouvernements-là. Il n'y a personne, il n'y a aucun, comme mon confrère vient de dire là-bas, il n'y a aucun de ces dirigeants actuels qui sont capables de défendre les peuples congolais. Moi, je vais vous demander quelque chose simplement, parce que vous avez parlé là tantôt des deux membres des ONG qui avaient été tués. Est-ce qu'on sait... Ce sont deux membres des Nations Unies qui sont partis effectivement pour enquêter sur un précédent massacre. Voilà. Et ils ont été tués. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont dénombré 13 fosses communes. Et semble-t-il qu'il y en aurait d'autres. Et on a, en tout cas, exhumé plusieurs corps de ces fosses communes, dont, après le silence du gouvernement congolais pendant un certain temps, on a pu aujourd'hui déterrer les corps dans une fosse commune, avec d'autres corps, bien sûr, de ces deux envoyés de Nations Unies, une femme et une Suédoise, et je pense un Américain. Donc, voilà, la femme a été décapitée, et l'homme, on l'a trouvé tout entier, ils ont retrouvé le corps, chose que le gouvernement niait d'abord. Et aujourd'hui, ils ont reconnu qu'il y a eu massacre, effectivement, mais quelle est leur part de collaboration dans ces enquêtes jusque-là? Ce n'est que la population qui est en train de dénoncer tous ces lieux-là. Et aucune sanction, aucune mesure jusque-là n'est arrivée par rapport aux unités parce que, en fait, la zone est occupée militairement. Il y a des troupes du gouvernement, du pouvoir en place, je ne sais pas si on peut faire la différence entre les deux, qui sont là depuis un certain temps, qui exécutent impunément la population. Et jusqu'à aujourd'hui, des noms ont été cités et on n'a jamais inquiété personne. Point de vue juridique, je veux dire ici. Donc, personne n'a jamais ni, ne fût-ce que des responsables. En Belgique, ici, la Belgique est suspectée d'avoir, avec son aviation, pilonné Mossoul avec des civils, il y a des morts. Il y a une commission d'enquête qui enquête. On reconnaît que la Belgique a participé à l'opération, mais les enquêtes continuent. Là, au Congo, Motus et Bouskouzu, on ne dit rien. C'est le silence plat. Mais bon, ce qui est sûr, on a maintenant, sûr et certain, retrouvé ces fosses communes. On est en train de faire l'inventaire de morts et voilà. Mais il ne faut pas compter sur le pouvoir en place parce qu'ils ne vont pas creuser leur propre tombe. Ils vont tout faire. Ils ont tout fait pour étouffer. Mais la population a vu, sait, et la population dénonce pour le moment. L'allié premier pour dénoncer tous ces crimes, c'est la population et pas le pouvoir en tout cas. Mais il faut ajouter que cette femme, avant d'être décapitée, elle a été violée. Or, de ce côté-là, le viol est devenu une arme très puissante. Peut-être Maman Laurence pourra ajouter un mot sur cette situation-là, quoi. Si, moi je peux compléter, mais on parle de fausses communes. C'est passé de 13 à 23 actuellement. Ça va ? Avancez avec le micro, en fait. Ah. Voilà. Donc, c'est passé de 13 à 23 actuellement, mais on n'en parlait pas. Tout le monde est calme, mais tout le monde ne dit rien, à part la population. Si la population n'était pas soulevée, donc personne ne saurait que non, il y a eu autant de fausses communes à Kananga et à Mbujimayi. Voilà, donc disons, les fausses communes sont concentrées dans la province du Kasaï central, Kasaï principalement occidental, donc dans les environs de Kananga, et c'est là que les choses réellement se sont passées, mais ça date déjà depuis un certain temps, les tensions sont assez vives de ce côté-là, mais du côté du pouvoir, on commence à entendre un discours qui devient un peu modéré, comme s'il voulait maintenant chercher à coopérer. Mais bon, ça c'est toujours la posture que le gouvernement de Kinshasa a face à des situations comme ça. Ils feront semblant de dire qu'ils vont mener leurs enquêtes, mais ce sont des enquêtes qui n'aboutissent jamais et qui ne commencent même pas. Donc voilà, ils comptent toujours sur la communauté internationale qui oubliera et on passera à autre chose parce que la courte histoire de la guerre au Congo depuis 1996 le démontre à plusieurs égards, en fait. Donc tu veux dire par là que même l'ONU ne ferait pas une enquête pour la mort de ces deux représentants ? Mais effectivement, l'ONU avait envoyé des enquêteurs pour faire une enquête, mais ces enquêteurs-là, dont la Suédoise, ont été tués, c'est ça le problème ? Non, mais sa question, c'est l'enquête des Nations Unies pour retrouver les auteurs du massacre de ces représentants. Donc, jusque-là, en tout cas, le responsable premier des Nations Unies a demandé une enquête d'une part du gouvernement congolais, chose qui est tout à fait normale, parce qu'il faut passer par des États, et ils vont mandater, dans les jours qui arrivent, ils l'ont dit, mandater aussi leurs propres experts qui iront sur place pour mener des enquêtes, parce qu'ils ne croient pas aux enquêtes que pourrait mener le gouvernement congolais. Donc, quelque part, ils vont, de toutes les façons, le faire, mais sachez que le pouvoir en place pourrait leur mettre énormément de bâtons dans les roues pour que cette enquête n'aboutisse pas, ou du moins qu'il ne tombe pas sur le vrai responsable de ces massacres-là. On peut bien imaginer que ça ne peut être que le responsable politique et militaire, les hauts responsables politiques et militaires du pays. Merci, et moi je peux compléter, mais l'ONU est là. Au Congo, ça fait déjà 20 ans, des décennies que l'ONU est avec nous. Tous ces massacres-là, si l'ONU est là pour protéger la population congolaise. Tous ces massacres-là, vous voulez dire que l'ONU n'est pas au courant de ça. Donc, il va mener des enquêtes parce qu'on a tué les deux représentants des ONU, de l'ONU, que maintenant, ils vont mener des enquêtes. Et les peuples congolais qu'on a tués, ça fait déjà beaucoup de temps, et qui sont là sur place. Quel est leur travail? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour protéger la population, mais la population n'est pas protégée. Tous ces massacres-là se passent devant les yeux de l'ONU. Oui, mais la question, en fait, la question que monsieur pose ne va pas en contradiction à ce que vous dites, madame. Sa question, c'est simplement de dire, si toutefois, avec tout le doute possible, on pouvait dire que les Nations Unies ferment les yeux, mais pour ses propres représentants, ils ne fermeraient pas les yeux. Oui. Et moi, je pense qu'il y a on sait la faiblesse des Nations Unies. Depuis que les Nations Unies existent, toutes les troupes des Nations Unies à l'étranger n'ont jamais fait preuve de grande efficacité. On peut vous citer 1000 exemples. Vous savez, les troupes des Nations Unies sont entre Israël et le Liban et la Syrie depuis bien longtemps. Mais les Israéliens passent au-dessus, vont bombarder, les Kalachnikov et les Katoucha passent de l'autre côté, traversent la frontière, vont tomber sur Israël. Ils sont là, assis peinards, à s'amuser. On peut citer les cas de la Corée, on peut citer le cas même du Congo dans les années 60. C'est déjà, voilà, le Congo a une expérience. Voilà, il Il ne faut pas compter sur ces troupes-là. Un pays doit d'abord se défendre par lui-même et non attendre que les autres. On sait très bien que les États-Unis, comme l'appelait De Gaulle, même De Gaulle, qui était président de la France, traitait ça de gros machins, disait que bon, voilà, ce n'est pas une structure fiable parce qu'il y a des gens qui ont des États qui ont plus de droits et de pouvoirs que les autres. Rien qu'à voir déjà les Green Room ou les cinq pays qui ont le droit de veto, qui imposent les rythmes au monde entier. Le Conseil de sécurité, c'est encore rien parce qu'ils décident rien. Ils donnent des grandes lignes, mais il y a les cinq pays qui donnent leur droit de veto. On a vu avec les cas de la Syrie, avec la Russie, qui met son droit de veto, plus rien ne s'est fait. Donc, mais le peuple congolais, moi, c'est mon point de vue tout à fait personnel, à l'expérience des Nations Unies. Est-ce que ce n'est pas l'Occident qui ont des intérêts à justement qu'on ne condamne pas ces gens-là et tout, parce que des gens comme Kabila, en Afrique, c'est généralement des gens qui sont à la solde des Occidentaux. Et je pense que c'est ça le problème éventuel. C'est que, bon... Il y a eu un homme extraordinaire, moi je dis ça comme ça, mais bon, il y a eu un homme extraordinaire qui s'appelait Lumumba, qui a essayé justement de casser ce côté Europe, États-Unis contre l'Afrique, et je trouvais ça super. Et ce mec-là, on l'a tué. C'est les pays occidentaux qui l'ont tué. C'est pas les Congolais qui l'ont tué. Non. Voilà. Mais oui. Je pense que il faut que le Congolais assume aussi les responsabilités quelque part, quoi. Ils voudraient que les autres viennent s'occuper de la sécurité de leur pays, de leurs citoyens et de la protection de leurs richesses, mais ça c'est rêvé, quoi. C'est utopique. Mais pourquoi nous nous levons maintenant, les Congolais de l'étranger, puis ceux qui sont restés au pays, doivent prendre conscience de cette affaire et puis s'élever pour lutter nous-mêmes. Parce que si on compte à la communauté internationale, moi, je pense, selon moi, qu'il n'y aura pas de solution. Tu vois? Donc, s'il y a la pression populaire, même la communauté internationale ne sera pas arrêtée. Moi, j'ai une question par rapport au mouvement Pareco. Donc, le souhait de la Pareco, c'est un soulèvement populaire. Et ces soulèvements populaires pourraient aussi aboutir à une anarchie quelque part si ce soulèvement n'est pas coordonné, n'a pas de leader, n'a pas de personnes qui ont une certaine vue pour que le soulèvement puisse être positif à la fin. On a vu, on peut citer les cas de tout ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie et partout. Aujourd'hui, c'est devenu une histoire. Les Sissi sont là au pouvoir et il était dernièrement chez Trump, qu'il a considéré comme un ami des États-Unis, qu'il fait des choses formidables et meilleures partout. Donc, est-ce que vous pensez à des risques pareils? C'est comme vous l'avez dit, le soulèvement populaire doit être contrôlé. Donc, c'est notre stratégie. Il y a une équipe en place, mais on ne peut pas parler pour le moment de ça ici, quoi. On entend ces discours jusque même de Fondateur Mbanda depuis les débuts. Vous savez combien d'années... On l'a eu dans ces studios plusieurs fois, oui, où vous il savez a toujours tenu les mêmes propos. Oui, vous savez combien d'années les Palestiniens sont dans leur situation actuelle. Mais ne donc, comparons pas les choses. On ne compare pas, mais ça viendra. C'est une stratégie qu'on est en train de préparer. Mm-hmm. On ne peut pas tout dire ici, quoi. Mais il y a des choses qui se font. Mais les choses qui se font se voient. Pardon ? Les choses qui se font se voient. Tout ne doit pas se voir. Oui, mais pendant presque plus de 15 ans, si on ne voit rien, c'est qu'on peut douter. L'exemple des Palestiniens, on voit les choses. On ne court pas derrière les temps, mais on se prépare. Pour que ça ne soit pas laissé à l'abandon, on se prépare. Donc, il y a les soulèvements qui doivent se préparer, comme dans les autres pays, comme l'Ukraine. Et à un moment donné, vous avez vu que les soulèvements ont été préparés. Donc, il y a des choses qui se préparent petit à petit, mais on ne peut pas tout dire. Je pense que je vais laisser la parole à Nicole, peut-être qu'elle va continuer l'émission. Moi, je pense qu'on recentre les choses sur le Congo. On s'éparpille un peu trop. D'accord. Parce que les problèmes de l'Ukraine, quelque part, la Russie a raison, parce que la Crimée faisait partie du territoire russe. Les Russes, dans le cadre de l'URSS, ont cédé ces territoires pour des raisons administratives et organisationnelles de l'URSS. Et maintenant, l'Ukraine ne faisant plus partie de l'URSS, les Russes se retrouvent dans le droit de récupérer ce qu'ils ont légué à l'Ukraine. Il y a la propagande qui joue dedans, mais il y a la réalité historique qui est là. Donc, voilà, on recentre l'actualité sur le Congo. Je laisse peut-être... Donc, pour aujourd'hui, nous étions venus surtout, c'est pour la marche. Oui, c'est pourquoi je dis recentrons les choses sur le Congo. On revient sur ces messages. Mais il est important pour les auditeurs de cette émission et pour d'autres de comprendre c'est quoi la Parico, quel est le combat, pourquoi ils se battent avant d'en arriver à ce qui vous amène ici aujourd'hui. Moi, je voudrais simplement faire une petite parenthèse parce que tu as dit tout de suite là, c'est l'anarchie. Il faut peut-être éviter parce le que l'anarchie, c'est quand même politique. Voilà. Tandis que ça devient le bordel ou je ne sais pas tout quoi autre, mais pas anarchique en tout cas. Oui, tout à fait. Je concède, mais si j'ai dit anarchie, ce n'est pas dans le sens de... Je suis des radios libres, je connais les mouvements anarchistes comme tels, mais c'est plutôt de manière, je dirais, un vocabulaire normal. De dire que les désordres, en fait. Je voulais dire ça. Voilà. C'est l'anarchie. Je préfère. D'accord. C'est moins le désordre. Donc on va. Donc, la situation. Alors, je pense que la situation est extrêmement difficile, mais pourquoi, par rapport à nos pays, la Belgique, elle avait des relations extrêmement fortes avec le Congo. Elle a toujours jamais abandonné le Congo, puisque même depuis l'indépendance. Et pourquoi il n'y a rien qui est fait au niveau des pays occidentaux? Enfin, pourquoi au niveau de l'Occident, on ne réagit pas par rapport à ce qui se passe au Congo? Parce qu'on n'en entend jamais parler du Congo, en fait. Les informations ne circulent pas, on ne sait pas. Et tout d'un coup, c'est ça qui m'étonne, moi. Bon, nous aussi, nous sommes étonnés. La Belgique a des intérêts au Congo. Depuis comme des années. La France, d'ailleurs, comme tous les pays européens. Donc, la majorité. Mais on se pose des questions. Il y a des situations qui se passent au Congo. Ici, en Belgique ou dans les autres pays occidentaux, ils ont besoin de matières premières. Donc, je prends l'exemple des diamants. Tous les diamants qui sortent du Congo, ça vient de la Belgique. Il y a les lobbies qui est derrière cette organisation-là. Et quand les lobbies sont derrière cette organisation, il y a les gouvernements. Donc le gouvernement, par exemple, le gouvernement belge, laisse aller. Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne condamne pas? Si on parle du Congo, ça, aux informations, c'est quelques secondes. Et puis ça passe vite. Mais or, il y a des situations dramatiques. Oui, mais ça fait longtemps qu'il y a des situations dramatiques. Oui, mais on n'en parle jamais. Il y a des situations dramatiques au Congo. Par exemple, la situation économique. Il y a quelques jours, les dollars s'est envolé. Et le peuple, le petit peuple, n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Mais on voit les matières premières sortir et venir ici. Les petits peuples dont on retire les matières premières ne bénéficient même pas de ces droits-là. Ne bénéficient même pas de ces gains des produits qui sortent dans leur village. Donc on ne sait pas pourquoi la Belgique ne réagit pas. Et la France et les États-Unis. Alors nous ici, on doit faire des pressions en organisant des manifestations, en envoyant des mémos, en envoyant des ministres, en envoyant toute personne qui peut nous aider pour sortir de cette situation. C'est ça quoi. Et moi, je sais pas. Moi, je veux peut-être intervenir un tout petit peu. Moi, je trouve noble et je loue l'effort de la Parico. Que personnellement je considère par rapport à l'analyse politique du Congo, je pense que Aparoku c'est le seul mouvement qui analyse très très très bien le problème, la situation du Congo dans tous les domaines, qu'il soit stratégique, qu'il soit politique, qu'il soit économique. C'est le seul mouvement qui travaille d'abord et qui apporte une réflexion sensée par rapport à la situation du Congo, et qui donne une certaine orientation ou une certaine manière de voir le Congo de demain, du moins dans son organisation, dans sa sécurité surtout, et peu dans sa gestion, mais en tout cas pour sa sécurité. Ça, il faut le reconnaître. C'est le seul qui essaie d'apporter un regard qui soit nouveau. Effectivement, ce regard est aussi un regard difficile pour les communs des mortels. Donc, quelque part, ils doivent aussi travailler pour rendre vulgarisée leur analyse, pour que cette analyse soit compréhensible par la majorité des Congolais. Parce que la majorité des Congolais n'a pas la capacité d'avoir une lecture comme les responsables de la PARICO ont du passé, du présent et du futur du Congo. Tous ces enjeux dont on parle, économique, sécuritaire et autres, je pense que la PARICO a suffisamment travaillé là-dessus. Et ils ont beaucoup des éléments ou des pistes de réflexion qui peuvent, pour d'autres personnes, apporter des solutions. Néanmoins, il faut retenir que la première chose, c'est que c'est les Congolais, le jour où les Congolais se mettront debout. On a parlé de l'Égypte, de la Tunisie ici, où la majorité des Congolais s'élèveront d'une seule voix, la Belgique va changer sa position directement, ou les États-Unis, ou n'importe. Ils vont changer directement, ils vont changer les discours, ils vont changer les propos, ils viendront, quitte à échanger encore après, mais au moins, ils suivront la volonté, parce qu'on ne va jamais à l'encontre de la volonté d'un peuple. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas donner des statistiques. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population congolaise qui ne comprend pas les véritables enjeux de ces pays-là. D'où viennent les souffrances de ces pays-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays-là aillent mieux comme certains autres pays du monde. Et je pense que pour moi, c'est aussi un élément de frein. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, ou pour une partie de la population congolaise, vous pouvez venir avec des idées extrêmement intéressantes pour l'avancement du Congo. Ils auront du retard. Les Congolais aiment son pays, mais il aura du retard pour comprendre tous les véritables enjeux. Malgré lui, il va peut-être contribuer au fait que les choses restent statiques. Donc, Aparico doit retravailler la vulgarisation et le message qu'il a apporté. Mais la PARICO doit aussi, disons, travailler avec d'autres forces qui sont proches de sa vision pour accroître ce nombre qu'ils deviennent majoritaires, extrêmement majoritaires, pour aller à ce qu'ils veulent, un soulèvement massif et populaire de l'avant. Parce que sinon, ça sera une partie se soulève, l'autre partie s'endort et l'autre s'enfuit, soutient le pouvoir en place. Alors là, vous êtes divisés. Vous aurez moins de force, moins d'impact. Au lieu d'agir sur 5 ans, vous risquez d'agir sur 20 ans, sur 30 ans. C'est plutôt quelque chose que je voulais partager avec nos amis d'Aparico. Axel ? Il y a une chose. Effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant. Mais je pose une question, c'est que si le peuple congolais se révolte et descend dans la rue et prennent les armes et tout, font une insurrection... Je ne pense pas que l'Occident restera les bras croisés. Je crois qu'il y aura un grand bain de sang. Si je me pose cette question. Dans un premier temps, je ne pense pas qu'ils vont envoyer des troupes pour aller soi-disant défendre le pouvoir. Moi, je pense, dans un premier temps, ils laisseront d'abord les choses se faire. Ils vont peut-être réfléchir, c'est le cas de la Tunisie, de l'Égypte, comme d'autres pays. Oui. Après, ils vont chercher par quels moyens récupérer ces pouvoirs-là. Oui. Mais dans un premier temps, ils vont respecter la volonté du peuple, parce qu'ils savent très bien que contre la volonté d'un peuple, nul n'a jamais vaincu un peuple lorsqu'un peuple est debout et décidé à pouvoir agir. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Donc, quelque part, ne vous en faites pas. Je pense qu'en Europe, où les pays qui soutiennent, entre guillemets, ou bien qui font la politique de l'autruche par rapport à ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ils ont suffisamment de personnes qui réfléchissent matin, midi et soir. Leur boulot, c'est de réfléchir à toutes les stratégies, à tous les enjeux qui peuvent les concerner directement ou indirectement. Il y a le côté économique aussi. Il y a le côté économique. Oui, mais l'économique, le Congo n'a jamais... Ça, c'est vraiment une question, je vais peut-être laisser la parole. Le Congo n'a jamais mis à mal... Les Congo, les Zaïre, ils n'ont pas la capacité actuellement de mettre à mal les intérêts de l'Occident. Il y a une question que Kabila, le père, avait posée une fois. Que les Américains me citent une seule grande multinationale qui est au Congo où ils ont dit « nous avons brimé leurs intérêts ». D'abord, il n'y en a pas. Et deuxièmement, il n'y a pas de raison qu'ils briment leurs intérêts. Donc, quelque part, c'est plus des entreprises, c'est plus des lobbies financiers, des choses comme ça. Comme on sait que des pays, aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité en Europe. Aux États-Unis, c'est la réalité depuis longtemps. Ce sont les lobbies qui dirigent les États-Unis. OK ? Maintenant, à l'Union européenne, les lobbies, maintenant, dirigent l'Union européenne. Donc, par voie des conséquences, les États européens, ils suivent. Donc, c'est plutôt ces lobbies-là, ce sont les puissances économiques, les puissances financières qui téléguent tout ça. Et les gouvernements, les différents gouvernements suivent. Parce qu'ils n'ont plus... C'est terminé le temps où c'est l'État qui imposait au pouvoir économique, au pouvoir financier, les règles de fonctionnement. C'est fini ce temps-là, c'est révolu. Mais à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, nous avons déjà essayé d'initier plusieurs fois des rencontres entre nos compatriotes congolais. Mais chacun voulait garder son leadership. Chacun voulait garder son leadership. On n'avait même pas les mêmes points de vue. Mais vu que la situation actuellement au Congo vient de changer, quand nous avons initié cette marche, nous avons constaté que beaucoup de nos compatriotes viennent vers nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Je crois que dans les prochains jours, nous allons travailler avec d'autres associations aussi. Là, c'est sûr. OK. Bon, moi, je pense que... Par rapport à ce que tu as dit tout de suite, là, tu vois, des lobbies et tout, pourquoi est-ce qu'aller à l'Europe alors qu'on sait que, donc à la Commission européenne, alors qu'on sait que ces gens sont dirigés par des lobbyistes, des sociétés privées, alors que c'est eux qui foutent un petit peu les problèmes au Congo? Vous savez, le problème de lobbying est très important dans toutes les organisations internationales. Si je prends ici à côté l'Union européenne, il y a des bureaux de lobbying à côté. Mais alors, nous, peuple congolais, nous devons trouver du lobbying pour nous aider. Mais avons-nous les moyens? Ou si les lobbying viennent sur place, qu'est-ce qu'ils vont demander en retour? Donc c'est pour ça, nous voulons nous-mêmes, c'est d'abord, on doit se défendre nous-mêmes, et après, on va essayer de trouver d'autres solutions pour que ces gens-là nous aident. Si on commence avec le lobbying, on ne s'en sortira pas. C'est ça quoi? Moi, je pense que nous avons des mamans à côté. On les entend moins. Et je pense que le message porté par les femmes, généralement, vont loin, porte très loin. Et nous aimerions bien, par rapport à la marche, Nicole, revenir un peu, effectivement, par rapport au programme de la marche, par rapport à ce que vous attendez de cette marche, les lieux du départ, les lieux d'arrivée, qui, comment, pourquoi. Je pense que c'est important que ces messages soient entendus par ceux qui nous écoutent. Surtout pour nous, les mamans vomards, étant que femmes, mères, nous sommes vraiment très tristes à ce qui concerne les problèmes de viol. Si vous regardez même les images que nous avons mises sur nos affiches, vraiment, il y a des femmes qui sont violées, il y a même des bébés. Vraiment, ça nous inquiète. Vous savez qu'une mère, de la façon dont ils sont en train de traiter les femmes, tu vois, ils sont en train, c'est toute une génération qui sont en train de faire arrêter. Parce qu'une femme, s'il n'existe plus, le monde aussi ne va plus exister. Ils sont en train de violer même les bébés. C'est pourquoi nous demandons à toutes les mamans de venir demain. C'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. Donc c'est depuis longtemps, même à Beni, là-bas, à l'est du pays, l'ennemi utilise le viol comme arme de guerre pour détruire les nations, pour détruire la femme. C'est pourquoi, en tant que femme, nous sommes là pour dénoncer cette situation aussi, que les mamans viennent demain. Les femmes, levez-vous. Il est temps maintenant pour que nous puissions dénoncer la situation du viol. Ça doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Ça fait 20 ans que l'ONU est à Congo. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là seulement pour observer comment est-ce qu'on est en train de violer la femme. Et vous demandez le départ de l'ONU au Congo? Si ça dépendait que moi, je pense que l'ONU, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et qui va combler le vide? Mais on va lutter nous-mêmes. C'est pourquoi on est là. Que le peuple congolais doit prendre conscience que tous ces gens-là, les multinationaux qui sont au Congo, même la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est seulement pour leur intérêt. Mais ils ne voient pas l'intérêt du Congolais. Regardez un peu, il y a même des bébés de 3 mois qui sont violés. Ça nous inquiète en tant que femmes. Donc c'est pourquoi les femmes, nous devons nous lever, en tant que femmes, levez-nous. Nous savons qu'avec l'aide du bon Dieu, il ne va pas nous abandonner. On va réussir ce combat, malgré que c'est lent, mais ça, la victoire est certaine. Nous croyons qu'on va réussir. Mais laissons... Mais le bon Dieu, c'est un truc occidental. C'est pas, le bon Dieu, on vous l'a imposé en Afrique avec un petit blanc et tout, avec son petit chapeau et tout, et qui vous a dit, il faut penser à lui. Mais bon, vous avez jamais eu un Dieu. Voilà quoi. Axel. Axel, pour ton information, je sais que tu connais beaucoup. L'Africain connaissait Dieu avant l'Européen. Comment ? L'Africain connaissait Dieu avant l'Européen. Ah bon ? Quand vous étiez polythéiste, l'Africain a toujours été monothéiste. Donc maintenant, si vous parlez de la religion telle que la chrétienté, des choses comme ça, je suis d'accord avec toi. De la chrétienté, je parle de ça. Je parle de comment ça s'appelle, parce que si tu veux, les occidentaux, ils ont fait militaire, ils ont fait économique, ils ont fait pillage et ils ont fait religion. Ils ont fait un paquet de batch, comme on dit en anglais, et ils vous ont tout imposé comme ça. Mais dans les temps, nos ancêtres, ils adoraient les Zambampungu. Oui, oui, oui, je sais. C'était pas venu de l'Européen. Oui. Voilà. Non, mais en fait, Axel, ce qu'Axel veut dire, compter d'abord sur la force de l'homme, qui est de compter sur un Dieu qui existe ou qui n'existe pas. D'abord, toi, en tant qu'être humain, il faut être actif, quitte à demander après que Dieu te... Voilà, pour ceux qui croient, mais d'abord, c'est toi. Crois en toi parce que Dieu a mis en toi l'intelligence, la santé, la force nécessaire pour révolutionner les choses. C'est tout ce qu'Axel voulait dire. Donc, voilà. C'est vous qui devez vous sortir de ce... Entre Congolaise et Congolais, de vous sortir de vous-même. Que vous soyez... C'est pour ça que je faisais citation de Lumumba, qui a été un homme extraordinaire. Sur ce point de vue... qu'a dit, en tant que Congolais, on doit être Congolaise ou Congolais. C'est ça le truc. Je vais revenir pour notre marche en disant ceci. La marche que nous organisons demain, c'est pour dénoncer tout ce qui ne va pas au Congo. Mmh. C'est pour dénoncer ça. C'est pour dire, nous en avons assez. Ça doit cesser. Parce que c'est presque chaque jour on arrête des gens arbitrairement. Il y a des enfants qui ne mangent pas. C'est tout. Les chefs coutumiers sont nommés, alors que les chefs coutumiers ne peuvent pas être nommés. C'est pour dénoncer tout ce qui ne va pas au Congo. Il y a la crise économique, il y a la crise culturelle, il y a la crise sociale, il y a tout. C'est pour cette raison... Nous demandons à tout citoyen, à toute citoyenne, à toute maman, à tout monsieur, pour venir dénoncer cette situation très grave au Congo. Peut-être maman Laurence avait quelque chose à dire pour... ce qui concerne la marche, nous, vraiment les mamans, nous sommes... Vraiment dessus, et nous avons vraiment mal au cœur pour tout ce qui se passe, parce que c'est nous qui vous mettons au monde, mais vous êtes le premier à nous maltraiter comme ça, à nous violer, à tuer des petits enfants, même vos grands-mères, vous n'avez pas pitié de tout ça. Donc ça fait vraiment mal au cœur, donc nous manquons même de mots pour exprimer ce que nous ressentons. On ne dirait pas que c'est la maman qui n'a pas éduqué l'enfant pour qu'il soit à même de commettre autant de crimes. Non, nous n'avons pas dit ça. Mais c'est sans ces enfants-là... Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Oui, non, c'est ce que je dis. Donc on considère que la maman met l'enfant au monde et l'éduque aussi pour qu'il soit nous, bien. Oui, nous vous éduquons, ce n'est pas... Nous n'avons pas éduqué nos enfants pour qu'ils puissent nous violer demain. Donc, nous voulons vraiment que ça cesse. Nous n'avons plus besoin d'entendre un jour une femme violée. Et violée dans quelles conditions en plus? des femmes enceintes, vous violez les femmes enceintes, une femme enceinte, déjà une femme qui est faible, avec tout ce qu'elle subisse, et vous venez vraiment le violer sans pitié. C'est comme si vous, même si, même vous, c'est comme si c'est un animal. Mais autrement, et ces gens-là qui violent, ils ont été mis au monde par des femmes. Ils ont des mamans. Je ne pense pas que non, un jour, celui qui a fait ça acceptera qu'un jour, sa maman soit violée ou sa femme soit maltraitée comme ça. Alors nous interpellons. Ou sa fille, oui. Non, mais un bébé innocent qui ne connaît absolument rien. Vous violez un bébé de 3 mois. Qu'est-ce que vous ressentez en violant ces bébés? Donc il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Nous ne voulons plus ça. Alors nous voulons mettre fin à tous ces viols, à tous ces massacres que subissent les femmes actuellement. Ça, aujourd'hui, ce sont les femmes congolaises qui en subissent. Demain, on ne sait pas ça sera quelle femme. Donc nous sommes tous femmes. C'est pour cela qu'on fait appel à toutes les femmes de venir protester contre ces viols. Mais les hommes ne doivent pas rester non plus à la maison. Non, j'interpelle plus les mamans. Parce que moi, j'interpelle plus les mamans. Parce que non. Ce sont les mamans qui vous gardent 9 mois, qui sentent la douleur d'enfantement. Alors nous interpellons toutes ces mamans-là pour venir, pour qu'on puisse les dénoncer, pour qu'on puisse mettre fin à ce qui arrive aux femmes. Ce sont vraiment les femmes qui sont violées, ce ne sont pas les hommes. Si, il y a des hommes qui sont violés. Je voulais aussi ajouter, je me pose toujours des questions. Je me dis, est-ce que c'est vraiment... les Congolais, les policiers ou les militaires congolais qui sont en train de violer leurs consoeurs congolaises. Mais moi, je ne pense pas. Mais on n'a pas cherché à savoir qui viole, Congolais ou pas Congolais. Mais tout ce que nous savons, ce sont des gens qui sont sur l'espace territorial. Ils sont sur notre territoire pour faire ça. Ça, c'est une pensée. Moi, je pense qu'il faut considérer qu'ils sont sur l'espace territorial congolaise. Ils portent les tenues militaires. Moi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, je dis simplement, cela ne disculpe pas les autorités ou ceux qui sont à la tête de toutes ces troupes-là. Donc, voilà. Donc, il faut considérer que ça se passe au Congo par les gens qui sont considérés comme Congolais, et que cela se passe au Congo ou ailleurs. Le viol est condamnable sur toute la ligne. On parlait du Congo maintenant. Il faut condamner ces gens-là. Voilà. Point... on ne va pas chercher, on ne va pas dire que le Congolais n'a jamais violé ou qu'il ne viole pas. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Et c'est pas donc, vraiment, il peut le faire, mais pas, c'est pas vraiment dans notre culture. Les viols en masse, ce n'est pas la culture congolaise. Toutes les armées. La décapitation. Toutes les armées en mouvement, en période de guerre, sont généralement responsables de vous connaissez notre culture, donc le viol, la décapitation. Ça, c'est pas dans notre culture. Vous savez, les dictatures, je pense que le problème, c'est qui est le message le plus important, comme je disais toujours tout à l'heure, de vulgariser le message, c'est de dire on n'accepte pas les viols. Toute personne qui viole sur l'espace congolais ou ailleurs, maintenant on parle du Congo, cette personne doit être condamnée, qu'il soit congolais ou pas congolais, quitte à le prouver qu'il ne l'est pas, mais il faut qu'il soit condamné, que ça s'arrête, que la justice fasse son boulot. Ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Donc voilà, je pense que ça, c'est beaucoup plus porteur que d'aller chercher qui est derrière, est-ce qu'il est congolais. On complique l'équation. L'équation devient compliquée. Là, on cherche les violeurs et tout violeur, voilà. On ne regarde pas, il est rouge, blanc, noir, d'où il est violeur, il a violé, sur l'espace congolais, il est condamnable. Non, nous avons dit que ce soit qu'on mette fin au viol, au massacre, au génocide qui se passe au Congo. C'est le message qu'on lance. Nous ne voulons plus entendre ça. Donc plus jamais, nous ne voulons plus de viol, que ça s'arrête. Ils ont trop violé, ils ont trop tué. C'est trop, on en a marre. On n'en peut plus. On doit mettre fin à tout ça. Mais moi, je pense que c'est une chose que le viol, c'est une chose qui existe dans le monde entier, que ça soit en Chine ou n'importe quoi, en Amérique et tout. C'est une chose, c'est-à-dire que c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on est dans une société d'hommes actuelle. On est dans une société. Et le pouvoir, il est à l'homme. C'est-à-dire, dans le monde entier, le pouvoir est à l'homme. Et moi, ce que je trouve, et je voulais dire une anecdote tout à l'heure, moi, j'habitais à Etterbeek à un certain moment, et sur ma cuisine, il y avait un playgroup, un truc de gens. Et je regardais les mères de famille s'occuper de leurs enfants. Il y avait un amour extraordinaire et tout. Et je pense que la femme est contre la guerre en général, parce que la femme, elle est contre la guerre, parce qu'elle elle fait des enfants. Elle donne au monde des êtres humains, qu'ils soient filles ou garçons. Et je pense que c'est une aberration qu'on tue, qu'on viole des femmes comme ça. C'est pas possible. On doit avoir un certain... il faut avoir un respect pour ces gens, ces femmes qui donnent au monde des filles et des garçons. Et je crois que c'est ça qui est important. Et il faut condamner, il faut arriver à... Et moi, je pense que la seule éducation qu'on peut avoir contre le viol et tout, c'est dès l'école, aux petites filles et aux petits garçons, de leur apprendre, de leur expliquer ce que c'est que la femme, l'être humain. Voilà. Mais dans les cas des Congo, nous condamnons tout d'abord les viols dans tous les sens possibles. Mais dans les cas des Congo, le viol est devenu une arme de guerre. Oui, on vient dans une maison, on trouve une maman avec sa fille ou ses filles, le papa est là, on ferme la porte, on sort le papa dehors, on viole. Ouais. Ça, c'est encore pire. Violer sa femme devant ses propres enfants, hommes, ça c'est encore scandaleux. Donc c'est pour ça que nous devons tout dénoncer pour le cas du Congo. Donc pour revenir un peu à notre marche, nous lançons un appel à toutes les associations congolaises, à toutes les organisations congolaises qui sont installées en Belgique, en France, en Hollande ou ailleurs, de venir soutenir cette manifestation. C'est une manifestation nationale, mais en dehors du pays. C'est une manifestation qui est organisée en Belgique. Nous demandons encore une fois de plus aux pasteurs. Ils ont des églises qui demandent à leurs membres de venir soutenir cette marche-là. C'est une marche pour tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour dénoncer toutes les inégalités que les Congolais sont en train de subir au Congo. Et au Congo, ils ne savent pas faire des manifestations. Parce que vous savez, quand on fait des manifestations, il y a toujours des arrestations. Vous pouvez rester en prison pendant X jours sans être jugé. Toutes ces injustices-là. Je crois que ça sera pour nous vraiment, vraiment une bonne chose que tout s'arrête, quoi. Nous sommes les seuls défenseurs des Congolais qui sont au pays. On ne regarde pas les partis politiques. Regardons seulement ce que ces gens-là sont en train de subir. Nous avons parlé des fosses communes au Kasaï, mais nous n'avons pas oublié qu'il y avait aussi des fosses communes à Kinshasa. Tout ça se déplace. Donc nous devons demander que tout doit s'arrêter. Et c'est nous-mêmes, Congolais, que nous devons faire cet effort-là, cet exercice-là, pour que les autres nous suivent. On va peut-être passer un petit morceau de musique. Je pense que souffler est nécessaire. Pour détendre l'atmosphère. Oh, Gaston Yu, Naye Fifi Machi, Mélodie Tania, Naye. Il y avait la belle de retour, ça braille, boum boum, grave, paresse, Tina Sony, Capor, boum boum, explosif, trop, Tina Sony, comme 3 SLS, dans la plaque, piquette, la 6, la 6, là, explose. On a écouté Mia Bell. Alors, Mia Bell. Mais comment on dit? Milia Bell. Milia Bell. Milia Bell. Milia Bell. Milia. Milia Bell. Voilà. Moi, je suis dyslexique, alors c'est pour ça que j'ai du mal avec les noms et tout. Voilà. De, quand je serai mort, ça sera mieux. Je serai dans ma tombe et je ne parlerai plus. Voilà, donc on va revenir à notre émission. Donc vous êtes toujours sur Radio Air Libre. Donc on va... Je ne sais pas quelle heure il est maintenant. Le micro de Nicole ne passe pas, en fait. Il passe pas. Le micro de Nicole ne passe pas. Mon micro passe pas, il paraît. Maintenant, ça va. Tout est allumé. Ah, il ne passe pas, mais je ne sais pas ce qui se passe. Alors. Maintenant, ça va. Ça marche ? Ouais. Ça y est, vous entendez ? Voilà. Bon, je ne sais pas quelle heure il est, Serge. Il est 22h15. À 22h15. Donc, on a encore un petit quart d'heure, à moins que vous vouliez prolonger, parce qu'on peut prolonger si vous voulez. Donc, il y a cette marche. On va peut-être parler de l'organisation de cette marche. Le rassemblement donc, est prévu à 14h à la porte de Namur. Donc, là, vous allez vous rassembler pendant à peu près une heure. Et puis, vous allez partir à 15h, je crois. D'après ce qu'on m'a dit. Et puis après, vous vous dirigez. Donc, la marche commence à la porte des Namur à 14h et nous nous dirigeons vers Schumann. Et ça s'arrête, ça termine à Schumann. Vous pouvez donner l'itinéraire, madame, l'itinéraire que vous allez suivre. Donc, on commence, comme madame a dit, à la porte des Namur. Et on passe par la rue Montoyer. Et on tombe sur la rue des Trèves, et on prend la rue Béliard pour entrer à la rue Froissart qui va tomber sur les ronds-points Schumann. Là, il y aura un discours de maman et de quelques membres de la Parico aussi. La manifestation se termine à 17h30, on termine tout quoi. Donc, vous allez rester à Schumann pendant un petit moment, si jamais... Pendant un petit moment, s'il y a des discours, on le fait. Et à 17h30, c'est la fin des manifestations, tout le monde doit se disloquer. Mais j'en profite pour dire, nous avons déposé le mémo, le secrétaire général, M. Clovis Mbikaï, avec le secrétaire national chargé des mobilisations, M. Loukika, ils ont déposé un mémo aujourd'hui au Parlement européen sur la situation au Congo. Et donc ce mémo, donc normalement les gens du Parlement devraient le lire et vous rendre compte de ce qu'il y a dedans. Oui, je crois. Je sais que nous espérons. Je sais que nous croyons. Espérons que ça aura des effets. Est-ce que vous avez contacté d'autres pays africains qui pourraient vous supporter parce que la situation en Afrique, elle est, le Congo, il est ce qu'il est, mais disons que Bongo, des gens comme Bongo et des gens comme dans tous les pays africains ont le même problème, le même problème de comment s'appelle de comment s'appelle de pauvreté, de choses comme ça où il y a des bon, il y a pas la guerre partout. Je pense au Congo, au Sénégal, des choses comme ça, il y a moins. Mais est-ce qu'il y a des pays comme le Sénégal ou le Gabon et tout qui vous supportent? Actuellement, nous parlons, pour la Belgique, je parle ici en Belgique, nous avons contacté quelques associations. Moi, personnellement, j'ai contacté les responsables de l'association des SATRA africains. Ils viendront nous soutenir à la manifestation. Nous lançons un appel à tout citoyen, à toute citoyenne de bonne volonté qui veut nous soutenir, de venir. Parce qu'une femme, qu'elle soit belge, qu'elle soit congolaise, qu'elle soit camerounaise, c'est toujours une femme. Ouais. Elle sera toute violée. Donc c'est ça, quoi. Demandons à tout le monde. Nous demandons aussi aux hommes d'accompagner leurs mamans, quoi. Leurs femmes, leurs enfants. Non, mais je crois que c'est important. C'est important, quand même. Oui, moi, je voulais peut-être enchaîner dans le même ordre d'idée qu'Axel. Le viol reste une problématique internationale. Je pense que même ici en Belgique, aujourd'hui, les viols, dans un cadre marital ou autre, est une réalité. Est-ce que vous allez, parce que tout à l'heure, vous parlez d'aller à l'Union européenne, déposer des mémos ou quoi, est-ce que vous mobilisez toutes les communautés autres que congolaises pour qu'ils soient avec vous? Il y a beaucoup de mouvements. Que ce soit des mouvements de citoyens et d'autres mouvements militants ici en Belgique ou d'autres personnes qui n'ont pas d'engagement politique ou, je ne sais pas, culturel, mais qui peuvent se reconnaître dans votre combat pour porter encore beaucoup plus loin. Si le Congo, les Congolais en lui-même considèrent que son message ne porte pas loin ou touche, pousse les autres à l'indifférence, est-ce qu'il n'est pas peut-être mieux que vous fassiez un travail de toucher tout le monde, parce que la problématique touche tout le monde et que au plus vous touchez les gens, plus ces problèmes peuvent être portés et que vous aurez une écoute favorable auprès de ceux qui aujourd'hui font la politique d'Autriche? Oui, mais le message a été lancé partout et nous avons contacté tout le monde pour lancer cet appel. Donc, entre autres, l'exemple est là devant vous. Nous avons Nicole qui est là devant vous. Donc, pour Nicole, dire elle que, est partout. Bah, mais oui, mais pour dire que non, elle est déjà là. Pour dire qu'on n'a pas, seulement touché Nicole. On a touché pratiquement toute la communauté. Madame, ce n'est pas une critique que je fais. Non, c'est ça que je... Moi, voilà, je réponds parce que c'est une question plutôt une que proposition qui est peut-être présentée oui, c'est différemment. C'est de dire élargissez les combats. La cause est noble et touche tout le monde, autant l'élargir que de le confiner simplement aux Congolais ou aux Africains. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais je voulais aussi ajouter qu'il y a des associations de femmes telles que Forum et puis... Il y a aussi Vie féminine que nous avons aussi contacté pour cette manifestation. Pour voilà, donc au fait, c'est pas en fait, je dis simplement, je vous convie à diffuser l'information, à contacter le plus de gens possible. Et pas, c'était l'idée d'Axel aussi. Oui. Mais Axel, je le connais bien, oui. C'est comme ça qu'il pose ses questions. L'idée, c'est simplement de dire ne faites pas de ces combats une affaire congolaise ou africaine. Élargissez, parce que une mère reste une mère. Nous avons vraiment élargi les réseaux. Peut-être que demain, vous verrez qu'il y aura toutes les femmes de tout le pays qui seront avec nous demain. Ce qui est important, et c'est moi ce que je dis comme Abel, c'est que par exemple au Canada, les les nations, les premières nations, c'est-à-dire les Indiens qui étaient au Canada à l'époque où il n'y avait pas eu, la colonisation française et anglaise, eh ben, ces gens-là, les femmes sont violées systématiquement. Et justement, il faut, si vous avez le temps, de regarder sur votre ordinateur ou votre boîte à images et de voir ces femmes qui luttent tous les jours et ils tombent dans l'alcoolisme, ils se prostituent, mais c'est un viol systématiquement des Canadiens vis-à-vis des Premières Nations, que ça soit à Vancouver ou à Montréal, c'est des choses qui arrivent. Et je pense que justement, c'est qu'il faut dénoncer dans tous les pays, quoi. C'est-à-dire que les femmes vietnamiennes se font violer. En Syrie, ou ce qu'on voit dans tous les pays latino-américains, où les femmes se font violer pour $1. Il y en a certains qui donnent même pas $1. Et je pense que c'est dénoncer le viol. Il faut dénoncer la condition de la femme. Il faut se battre pour une condition de la femme. Il faut absolument que la femme soit notre égaux vis-à-vis de l'homme, quoi. Et qu'on soit plus... il faut arrêter ce côté que le monde est dominé par l'homme. Il faut qu'il soit égal. Oui, il a raison de dire ça. Mais je pense qu'au Congo, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe de plus par rapport à ça. Vous savez, il y a le docteur Mukwege qui a eu le prix Nobel comme le médecin qui est en train de traiter les femmes qui sont violées. Oui, qui répare les femmes. Il était même venu ici à l'Union européenne. Il a dénoncé, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne s'arrête pas, ça continue toujours. Mais nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes là, on est en train de lutter, de continuer la lutte. La lutte est longue, mais jusqu'à ce qu'on aura la victoire. Mais on est en train de dénoncer. Mais j'espère que vous aurez la victoire dans 2 ans. Dans 2 ans, il faut que vous ayez la peut-être victoire. Peut-être demain, on ne sait pas, peut-être après la marche les ici. Ans. Mais demain, les femmes, now, maintenant. Les oui. femmes, maintenant. Maintenant, oui. Nous avons parlé beaucoup des massacres, de viols, mais n'oubliez pas qu'il y a d'autres massacres qui se passent au Congo. C'est encore pire. Décapiter les gens, c'est encore pire, quoi. Donc, on ne va pas oublier ça. Nous dénonçons tout ça, quoi. Toutes ces injustices-là, quoi. Donc, que les gens puissent vivre en paix, en harmonie, quoi. C'est ça, quoi. Nous dénonçons ça. Nous invitons toutes les communautés qui veulent bien nous suivre, qui veulent bien nous aider, qui veulent bien qu'on travaille, qui veulent bien qu'on puisse réfléchir ensemble. Nous sommes là, les mains ouvertes, quoi. Ok. À part que je veux quand même dire que le mot pire, ça faisait quand même un peu... C'est deux choses bien différentes, c'est deux choses horribles. Décapiter ou violer. Mais dire que l'un est pire que l'autre, c'est un peu... J'ai dit, on a parlé beaucoup plus de viol. Ouais. Donc, c'est ça, quoi. C'est un peu cette situation... Tout acte violent, de toute façon... Ce sont des situations... Tout acte violent, de toute façon, est à bannir. Est à bannir, on ne peut pas l'accepter. Donc, c'est pour ça que nous organisons cette marche pour demander à Nicole, à la radio Air Libre, de nous aider pour que cette marche réussisse. Mais voilà, écoute, de toute façon... Disons que Radio Air Libre. Je crois que les membres de Radio Air Libre seront là aussi, quoi. Mais voilà. Mais je pense que ce qu'on fera, on fera un petit message demain. Parce que demain, c'est Africa Jama qui parle à la radio et qui font une annonce pour votre manifestation. Merci beaucoup. Je pense que le samedi passé déjà, on a reçu une délégation de la Pareco ici, qui a parlé de la Pareco et de tous ces problèmes de marche. Je pense qu'aujourd'hui, Nicole, Axel, ceux de Tranche d'Anac sont là pour parler de ça. Nous, à Radio Libre, nous faisons notre travail. Donc, à chacun son boulot. Donc, je pense que les nôtres, nous les faisons. Et ça se fera. Demain encore, on va réitérer le message pour qu'il soit entendu par entre les auditeurs de Radio Libre et les auditeurs du monde entier, parce qu'on vous suit aussi à travers Internet, parce que nous passons direct sur Internet. Donc voilà, je pense que le problème de mobilisation de notre côté ne se posera pas. Alors si des personnes intéressées par cette marche ont besoin des contacts d'informations, qui peuvent-ils contacter? Pour cette marche, ces personnes peuvent me contacter. Je réponds au nom de Ferdinand Mokambila. Mon numéro de GSM est 0465-58-01-10. Voilà, ou bien, ben, écoute, ils appellent Nicole, ils appellent sur Radio Libre 02-344-58-55, ou ils peuvent nous faire un petit mail, nous posant des questions. Et si nous savons répondre à ces questions, pourquoi pas? Et vu que nous sommes déjà la veille de l'événement, mais quand même, on a encore du temps jusqu'à demain 14h pour cette marche-là. En tout cas, on vous souhaite un énorme succès. Moi, je serai là de toute façon. Je ne sais pas à quel moment, mais il y aura un moment où je serai là, en tout cas. Je remercie aussi Radio Air Libre pour nous avoir laissé ce temps de s'exprimer. Bah, c'était important. À Nicole, Abel, Axel et Serge. Serge. Merci beaucoup. Voilà. C'est important qu'on l'ait fait, quoi. Merci beaucoup, Axel. Mais c'est vrai que à Radio Air Libre, on est pour toutes les causes, qu'elles soient vietnamiennes, tout. En fait, à Radio à Tranche d'Anna, on est internationaliste et on est citoyenne du monde et citoyen du monde. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on soit citoyen du monde. C'est-à-dire que moi, je vais faire un peu de propagande, mais je veux dire, il faut abolir la religion, abolir les guerres, et le monde ira de plus en plus mieux, quoi. On laisse les injustices. Comment ? Abolir les injustices. Mais ce qui est important, c'est la nation. Le côté nation et tout, parce qu'on s'emmerde dans le monde avec des guerres, et le côté religieux. Si on abandonne la religion et la nation, le monde ira mieux. Voilà, merci Axel. Mais le message d'Axel, hein, c'est de dire simplement... En fait, Axel est en train de dire simplement quelles sont les premières causes des conflits et des guerres dans le monde. Donc la religion et la nation. Avec tous ces intérêts économiques, stratégiques, des diamants, des coltans et tout ça, font partie de la richesse des nations. Donc c'est ce qu'un peu Axel est en train de dire. Bon voilà, je ne sais pas, Axel, Nicole, à toi la parole, on laisse peut-être un mot de la fin à nos invités. Il y a peut-être quelque chose qu'ils auraient bien voulu, qu'ils pensaient vouloir dire, qu'ils ont oublié dans le feu de tes questions, Nicole. Et le feu de mes questions. Bon, Répétez l'heure. Oui, alors l'heure, c'est... vous pouvez répéter l'heure, 14h. L'heure de rassemblement, 14h. Et le départ, c'est à 15h juste. Jusqu'au rond-point Schumann, à 17h, on termine la marche. D'accord. Donc, vous restez là-bas jusqu'à 17h. Et vous pouvez toujours prendre la marche en route. En route. Voilà. Voilà. Donc, on fait un appel pour que tout le monde y aille et que c'est important. C'est important pour le Congo, important pour le monde entier aussi. Parce que, bon, c'est aussi des problèmes qui touchent pas mal de gens. Important pour la Belgique. Si le Congo va mieux, la Belgique irait encore deux fois mieux. Oui, ça peut-être, ça c'est pas encore gagné. Oui, mais le Congo de papa, ça ne nous rendra pas le Congo. C'est pas des 20 mots. Ça, c'est nostalgique. Je crois que le roi, il va venir demain. Même après la marche, les gens peuvent toujours nous contacter. Nous sommes joignables. par les numéros que je vous ai remis tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de souci. Les gens, aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Internet. Et comment on peut vous joindre par ces canaux-là? Par Internet, vous avez les sites de la Parico. Ouais. Ou bien par Facebook. Il y a beaucoup, il y a des Facebook de la Parico, à Parico Liège, par exemple, à Parico France. Vous pouvez entrer là-bas. On est joignable aussi, quoi. Et la Parico Bruxelles, là, je me fais bruxellois. La Parico Bruxelles, vous faites ça par mail, donc pour le moment, on n'a pas encore de site. Mais si vous entrez sur les autres Facebook de la Parico, on peut nous atteindre facilement. Mais par mail, vous pouvez toujours nous écrire. C'est mokambila@yahoo.fr. Okay. Nicole, moi je pense qu'il y a une injustice. Les mamans ont très peu parlé. Elles ont bien parlé, mais très peu parlé. Parce que les mamans sont touchées et manquent de mots. Donc, elles sont vraiment affectées. Raison de plus que cette, voilà, cette douleur puisse s'exprimer grandement sur nos antennes. Moi, je ne suis pas maman. Alors. Tu es une femme. Comment ça? Tu es une femme. Nicole. Nicole, tu es une maman. Quand tu es une femme, tu es maman. Et quand tu es un homme, tu es papa. Tu es maman. Moi, je pense que cette fois-ci, notre voix va être entendue et notre cause sera résolue. Voilà, les mots de la fin. Ben voilà, on espère et voilà. On ne va pas prier en Dieu parce qu'on n'y croit pas, mais voilà. On continue toujours à prier et à litter ensemble. Les deux vont ensemble. Nous allons continuer à litter parce qu'on dit, si que femme veut, Dieu le veut. Et comme nous voulons que, le viol, on dit stop au viol, je pense qu'on mettra fin au viol contre les femmes. Ok, bon, non, on va peut-être terminer là-dessus. En tout cas, on vous remercie d'être venu nous parler de votre marche. On vous souhaite tout le meilleur que vous puissiez avoir. Enfin, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour vous soutenir. En tout cas, nous, on sera là. Enfin, moi, je serai là dans la mesure de mes possibilités. Mais je suis, même si je ne suis pas là physiquement, je serai là. Avec le cœur. En tout cas, ce qui est sûr, les gens de certaines personnes de Radio Libre seront là, et ceux qui n'y seront pas, ils seront de tout cœur avec vous. Ouais. Ce sont plutôt d'autres raisons qui les empêchent d'être là. Moi, personnellement, je vais travailler demain, donc je n'étais pas prévu que je... Serge n'a pas donné sa position. Serge a l'esprit, l'âme, Radio Libre, t'inquiète pas. Il aura l'esprit avec vous. En tout cas... Avec eux. En tout cas, on vous souhaite un grand succès et il faut que tous les gens viennent. Ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, ou celles qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent, parce que, voilà. J'espère que vous irez à cette manifestation, parce que c'est important pour les femmes dans le monde. C'est les femmes dans le monde violées. C'est très important. C'est important pour toute atrocité pour qui se passe dans les femmes en général qui sont violées, parce que c'est un crime de l'humanité quand on viole une femme. Voilà. Ok. Donc, on va passer une petite morceau de musique. Je vais faire un petit agenda rapide. Et puis après, on s'en va. On est là. Okay. Tiens, passe les Congolais de... Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama qui mitin. Nous j'irai qui bagaille. Nous j'irai qui mitin. Mouta dia sans loi. Les Nadjelé et les Nadjelettes. Y'a pas de rat. On se rétiora, hein. Abidjan. C'est toi que je préfère de tout mon cœur. Voilà. Alors, donc, nous remercions nos invités de quand même d'être venus parler de cette marche. Donc, on espère que tout se passera bien pour eux. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit agenda un peu rapide.